y a une particularité de chaque papillote. Alors, on a vu donc concernant le rappel anatomique, l'appareil vaginal et l'appareil subvaginal. Il faut savoir que la pêche de ces éléments, soit l'appareil vaginaire ou l'appareil subvaginaire, peuvent entraîner soit un rétrécissement, soit un fuite. Ça dépend le mécanisme. D'accord. Donc, on commence par la définition, c'est quoi? L'insuffisance mitrale. On parle d'insuffisance fuite, c'est la même chose. Donc, c'est quoi l'insuffisance mitrale? Donc, c'est le recul anormal du sang au moment de la systole du ventricule gauche vers l'oreillette gauche par défaut d'étanchéité de la valve mitrale. Donc, je répète, donc c'est le reflux anormal du sang dans la systole du ventricule gauche vers l'oreillette gauche par défaut d'étanchéité de la valve mitrale. Donc, je commence à décortiquer la définition. C'est quoi, c'est le reflux? Normalement, au moment de la systole, qu'est-ce qui se passe? La valve mitrale se ferme et tout le sang va passer dans l'aorte et la grande circulation. Or, il y a une partie du sang qui passe vers l'oreillette gauche par défaut d'étanchéité de la valve mitrale. Donc, c'est ça la définition. C'est facile. C'est bon. On passe maintenant au mécanisme. Donc, quels sont les mécanismes que vont expliquer donc les fuites? On a dit donc dans le cours passé, concernant le rappel anatomique que je refais à chaque fois, que l'appareil vaginal est l'appareil vaginal. L'appareil vaginal est constitué de l'anneau et des valves, la grande et la petite valve mitrale. Et la grande est séparée de la petite par commissure entrée, commissure. Et l'appareil vaginal, c'est les cordages et les billets. On a dit que le billet contralatéral a une autre vascularisation. Par contre, le billet postérieur, les vascularisations terminent. Donc, l'atteinte de tous ces éléments peut entraîner la fuite mitrale. Donc, comment on explique le mécanisme? C'est Carpentier qui a trouvé l'explication de mécanisme de la fuite. Donc, Carpentier, c'est un chirurgien en chirurgie cardiaque. Donc, grâce à des interventions plusieurs fois répétées, il a découvert donc, le mécanisme de chaque fuite. Donc, il classe le fuite mitrale en type 1, type 2 et type 3 selon leur mécanisme. Le type 1 correspond à des mouvements valvulaires normaux, c'est-à-dire les mouvements valvulaires sont normaux. Le problème se pose au niveau de l'anneau, c'est la dilatation de l'anneau entraînant une fuite mitrale. Voilà. C'est ça le type 1. Le type 2 correspond à des mouvements valvulaires exagérés. Exagérés, c'est-à-dire s'observe dans ce cas dans les fuites mitrales dégénératives. Donc, dans les fuites mitrales dégénératives, soit il s'agit de dégénérescence fibro-élastique, donc tout ce fibro-élastique qui touche les valves s'observe surtout chez les sujets âgés, soit dégénérescence mixoïde des valves, là elle touche les sujets jeunes, qu'on détaille par la suite un type, donc comme une type corpulée qui est la maladie de base. Voilà. Le type, donc on va détailler ce qu'est le prolapsus, c'est quoi le prolapsus? C'est dégénérescence, donc je répète, le type 2 correspond à dégénérescence valvulaire, et le mécanisme le plus important, c'est le prolapsus valvulaire. C'est quoi le prolapsus valvulaire? C'est le passage du bord-libre de la valve en arrière de l'anneau. Donc, je fais un schéma pour expliquer. Donc, c'est quoi le prolapsus? Voilà, l'oreillette gauche, la grande valve mitrale, la petite valve mitrale, et le ventricule gauche, l'oreillette gauche. C'est ça, c'est le ventricule gauche. Ça, c'est la grande. Et ça, c'est la petite valve mitrale. Voilà. C'est quoi le prolapsus? Normalement, au moment de la systole, que la grande valve mitrale vient en contact avec la petite valve mitrale, qu'on appelle ce point, c'est le point de coaptation. Donc, pour éviter la fuite, d'accord, il se ferme de façon étanche. Donc, c'est quoi le prolapsus? C'est le passage, c'est ça l'anneau mitrale, là on a l'anneau. C'est le passage du bord libre de la valve au moment de la systole vers l'oreillette gauche. Donc elle se fait comme ça. Si on prend la grande valve mitrale par exemple, elle fait comme ça. Lâchez. Elle va retourner vers le. C'est ça le prolapsus. C'est le passage du bord libre de la valve en arrière de l'anneau, c'est-à-dire vers l'oreillette gauche. Donc lorsqu'il y a un prolapsus, il va le passage du sang entraînant la fuite. Vous avez compris, il n'y a pas de poids de coaptation. Hein? Vous avez compris le prolapsus. Très bien. Donc c'est ça le prolapsus. Le prolapsus peut toucher la grande valve mitrale comme il peut toucher la petite valve mitrale. Dans les formes plus graves, il peut toucher les deux valves. C'est ça. Ça, le type 2 de Carpentier. Le type 3 correspond à des mouvements valvulaires diminués. Diminués, à ce moment-là, c'est quoi le mécanisme? C'est dans ce cas, c'est l'épaississement valvulaire. Les vents sont épaissis, avec restriction valvulaire, c'est quoi? Rhumatisme. Très bien, c'est rhumatismal. Dans ce cas, c'est l'éthiologie, c'est rhumatismal. Il donne le type 3. Donc, je répète, le type 1 correspond à des mouvements valvulaires normaux. Dans ce cas, c'est la dilatation de l'anneau qui entraîne la fuite. Le type 2, qui est du mouvement valvulaire exagéré, donc s'observe dans les dégénérescents valvulaires. Donc, l'exemple type, c'est le prolapsus valvulaire. On va expliquer ce qu'est le prolapsus. Et le type 3, les mouvements valvulaires sont diminués par épaississement et rétraction de cordage, s'observe surtout dans les nerfs rhumatismales. On passe maintenant aux étiologies. Donc, quelles sont les étiologies de l'insuffisance mitrale? Donc, on a vu dans le cours de rétrécissement mitral, on a dit, donc, lorsqu'on parle de rétrécissement mitral, c'est rhumatismal. Alors, dans l'insuffisance mitrale, ça peut faire. Donc, ça fait partie de la plus grande étiologie. On a vu dans le mécanisme. Donc, en partage, on divise l'insuffisance mitrale en deux, selon le mode d'installation. Il y a l'insuffisance mitrale aiguë et l'insuffisance mitrale chronique. Dans le rétrécissement mitral, il n'y a pas de rétrécissement mitral aigu. C'est cool, c'est l'évolution avec le temps rhumatismal, il souffre des commissions. Par contre, dans l'insuffisance mitrale, vous savez quoi le mode d'installation, soit mode chronique, soit mode aigu d'emblée, soit sur un fond chronique, il peut évoluer vers l'aigu. D'accord. Voilà. On commence par l'insuffisance mitrale chronique. L'insuffisance mitrale chronique, c'est sans doute de l'insuffisance mitrale chronique. D'après vous, c'est quoi? Dans l'étiologie la plus fréquente, on fait la majorité R1, rhumatismal. Oui, R1. Donc, en plus, l'étiologie, rhumatismale, on a rhumatismale, congénital, très bien, c'est chronique, en maladie de Marfan, etc. Pardon, maladie de, enfin, canalature en tout cas, le CRV, puis dans ça, non, chronique, congénital, fonctionnel, très bien, fonctionnel, par quel mécanisme fonctionnel? Dilatation de l'anneau mitral, voilà. C'est-à-dire, dans quelque pathologie qui entraîne une dilatation de l'anneau mitral? Très bien, dilatation des ventricules. Dans les cas d'une myopathie dilatée, lorsque le ventricule se dilate, n'importe quelle pathologie qui dilate le ventricule gauche, automatiquement va dilater l'anneau mitral, entraînant une essence mitrale fonctionnelle, qui n'est pas organique, elle est fonctionnelle. D'accord, on a dit rhumatismal. Congénitale, c'est des malformations congénitales dans le CAV, le cas atrioventriculaire, c'est des malformations congénitales. Donc, vous avez parlé donc l'essence mitrale fonctionnelle et enfin, l'étiologie la plus fréquente dans les pays occidentaux, c'est dégénératif. C'est l'essence mitrale dégénérative, ça va par dégénérescence valvulaire. Donc, c'est ça les quatre étiologies de l'essence mitrale chronique. On passe maintenant à l'essence mitrale aiguë. Donc, quelles sont les étiologies qui peuvent entraîner une essence mitrale aiguë? Allez. L'endocardite infectieuse, par quel mécanisme? Donc, lorsqu'on l'endocardite infectieuse peut entraîner des lésions. Quel type de lésions peuvent entraîner? Donc, l'essence mitrale, dans l'endocardite infectieuse, donc par la suite, vous avez le cours d'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse peut entraîner deux types de lésions, soit des végétations. C'est des magmas, c'est des amas, donc épaississement, etc. Les végétations ont tendance d'avoir des lésions de sténosome. Et l'endocardite peut entraîner des végétations hors des lésions de mutilation. Donc l'endocardite, la bactérie, lorsqu'elle va coloniser l'appareil valvulaire, elle va entraîner des lésions de mutilation. C'est quoi mutilation? C'est une ulcération, une perte de substance et des perforations valvulaires. À ce moment, lorsque la valve est perforée, elle est ulcérée, elle va entraîner la fuite. Donc elle peut toucher même les cordages, dans l'endotube de cordage et dans l'endocardite mitrale aiguë. Donc c'est ça le mécanisme. Dans l'endocardite infectieuse, ce n'est pas par des végétations, mais par des lésions de mutilation. C'est quoi les mutilations? C'est ulcération, perforation, rupture. D'accord? Voilà. Donc c'est ça l'endocardite infectieuse. Troisième éthiologie, donc vous avez parlé à part d'autre, c'est l'endocardite infectieuse. Deuxième. Traumatique, par exemple. Traumatique, on a vu. Soit au cours de la dilatation mitrale percutanée, lorsqu'on fait mal ballon du noué, on offre des commissions, donc on fait une essence mitrale aiguë. Voilà, c'est traumatique. Soit au cours de la chirurgie, donc chirurgie, soit tout autre traumatique thoracique, qui peut toucher les cordages, qui peut toucher. Oui, traumatique. Bon, on va me dire qu'on fait autre chose. endocardite infectieuse, donc traumatique, ischémique, par quelqu'un qui est ischémique, allez, donc l'IDM, quel IDM, quel territoire, c'est pas n'importe quel IDM, mais surtout, pourquoi l'IDM intérieur? Pourquoi l'IDM intérieur qui parle des sessions intra-prévues, par quel mécanisme? Hein? Toujours il y a une explication, on n'a pas de démon tout ça. Toujours il y a une explication. Oui. Territoire de la terre. Là, la... Qu'est-ce qu'elle a pour la couronne? La l'interpellation de septembre. Donc, on a vu le rappel à l'interpellation. Mais pourquoi je ne sais pas l'hospitaliser? Quel pilier? Très bien, le pilier postérieur. Je fais exprès de peut-être que tu n'as pas passé le cours. Parce que le pilier antérolatéral a une double vascularisation. Une de la branche gauche, vous avez une branche droite, la coronale droite. Par contre, le pilier postérieur, une vascularisation terminale, unique, soit par la coronale droite, soit ça peut être par la circonflexe. Mais surtout sur la partie inférieure, comme le pilier il est irrigué par la coronale droite, une branche à la coronale droite, lorsque l'infarctus touche la coronale droite, donc le pilier n'est pas perfusé, donc entraînant une essence mitrale. C'est bon? Voilà. Donc, on passe maintenant à la physiopathologie. Donc, on a vu la définition, on a vu le mécanisme, on a expliqué les étiologies. On passe maintenant à la physiopathologie. Voilà. C'est quoi la physiopathologie? Maintenant, on a les conséquences en amont et les conséquences en aval. On a vu pour le rétrécissement mitral que les conséquences uniquement en amont, entraînant sur la circulation, les perforations artérielles pulmonaires, le voile, etc. Maintenant, au cours de rétrécissement mitral, il y a les conséquences en amont, les conséquences en aval. Dans le rétrécissement mitral, on a dit que les conséquences en aval, le ventricule gauche, elle est. Maintenant, par contre, dans l'essence mitrale, ce n'est pas la même chose. Donc, la physiopathe, ça diffère, soit dans l'essence mitrale chronique, soit on est dans l'essence mitrale aiguë. On commence par l'essence mitrale chronique. Voilà. C'est quoi la définition? On a dit dans la définition de l'essence mitrale, c'est le reflux anormal du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, au moment de la systole, il passe le sang vers l'oreillette gauche. Donc, le volume regurgité dans l'oreillette gauche plus le volume du retour veineux des veines pulmonaires. Au niveau de l'oreillette gauche, il va y avoir une sommation de deux volumes. Le volume regurgité plus le volume du retour veineux physiologique. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation du volume de l'oreillette gauche. Lorsque le volume augmente, l'oreillette gauche va se dilater. Lorsque se dilater, va amortir en quelque sorte la pression dans l'oreillette gauche. Ce n'est pas comme dans le rétrécissement mitral, c'est un gradient de pression. La pression dans l'oreillette gauche, elle est augmentée. Dans l'essence mitrale, elle est augmentée, mais elle est moindre par rapport à le rétrécissement mitral parce que le ventre de l'oreillette gauche va se dilater, va être dilatée. Elle va amortir, c'est-à-dire elle va diminuer un peu l'élévation de pression. Et les conséquences, c'est calqué comme dans le rétrécissement mitral, cette hyperpression va se transmettre de façon rétrograde vers les veines, capillaires, etc. Le même tableau, d'accord? Dans le rétrécissement mitral. Celui qui assiste au rétrécissement mitral va comprendre le rétrécissement, voilà. Mais avec un. Avec des risques moins. Voilà. Moins grave par rapport à ça. Parce que le volume ventricule, l'oreillette gauche va se dilater avec le volume. Le volume sur le volume, l'oreillette gauche va se dilater, elle va amortir en quelque sorte la dérivation de pression. C'est pas comme l'oreillette, c'est la pression. Oui, certes, mais surtout sur le grage, c'est la pression beaucoup plus que le volume. Dans le rétrécissement mitral, lorsque le pôle de pression augmente, l'oreillette gauche va augmenter en même temps. Lorsque c'est le volume, par la suite c'est la pression. Lorsque c'est la pression, plus suite par le volume. Lorsque le volume va, c'est la pression. C'est qui met avec des pressions moindres. Ces conséquences, on a. Les conséquences, on a. Maintenant, conséquences, on a. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on commence par au moment de la diastole. Qu'est-ce qui se passe au moment de la diastole ventriculaire? Au moment de la diastole du ventricule gauche, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'oreillette gauche, le sang va passer. Donc, l'ouverture de l'oreillette mitrale, il passe le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Mais quel sang qui passe? C'est le sang, le volume regurgité, plus le volume du retour veineux. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Une surcharge ventriculaire, mais en quel temps? Elle est diastolique. C'est une surcharge volume métrique, mais au moment de la diastole, parce qu'il y a le volume régurgité dans l'oreillette gauche, plus le volume du retour veineux normal. Donc, il va y avoir une surcharge diastolique du ventricule gauche, volumétrique. C'est pas impressionnant, c'est une surcharge. Il y a surcharge volumétrique et surcharge barométrique. Là, c'est une surcharge volumétrique, mais au moment de la diastole. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le ventricule gauche va dilater. Mais, selon le principe, donc, lorsque le ventricule va se dilater, mais il va un mécanisme d'adaptation. Il va s'adapter, le ventricule gauche, à cette surcharge volumétrique. Comment il va s'adapter? En appliquant les principes de Frank-Starry. Vous connaissez le principe de Frank-Starry? Hein? Le principe de Frank-Starry. Vous avez vu ça? Oui. C'est quoi le principe de Frank-Starry? C'est le mécanisme de surcharge cardiaque. Ah, donc c'est un mécanisme important. Pour expliquer les sciences cardiaques par la suite. C'est quoi le principe de Frank-Starry? Plus le volume augmente, plus. Ça, j'ai essayé le cardiaque. Il faut donner l'unité contractile. Le sarcomère. Le sarcomère, il y en a plus. Donc, le volume augmente, plus l'étirement des sarcomères, plus le volume augmente, plus le volume télédiastolique augmente, plus la contraction augmente, plus la contractivité augmente, plus le débit cardiaque. Fraction des le débit cardiaque augmente. Parce que le débit cardiaque, c'est quoi? Donc, c'est la fraction d'éjection. C'est la contraction. Volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque. Et le volume d'éjection systolique dépend de quoi? De la contractilité et du volume télédiastolique de la pêche. D'accord, voilà. Donc plus le volume d'éjection systolique augmente, plus automatiquement le débit cardiaque va être augmenté et va compenser. Donc ça donc le zéro. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le principe de Frank-Starry? Donc il va y avoir un étirement des sarcomères. Lorsque l'étirement des sarcomères va être étiré, donc la force de contraction augmente. On peut assimiler ça, je crois. Un exemple plus facile pour faciliter la compréhension. Donc les sarcomères, il faut assimiler comme un ressort. Tout ça. Voilà. Lorsque vous tirez le ressort et vous le lâchez, donc il va y avoir une augmentation de la force de contraction, lorsque la force de contraction augmente, la contractilité augmente, le débit cardiaque augmente. C'est ça le principe de Frank-Starry. Mais le principe de Frank-Starry a ses limites. Lorsque l'étirement des sarcomères dépasse donc le diamètre de 2,5 micromètres, donc il va avoir dans la courbe descendante. Comme dans le ressort, vous le tirez, vous le tombez à force, donc lorsque vous les laissez, donc, il n'y a plus de force de contraction. Et à ce moment, c'est l'essentiel. Hein? Vous avez compris? Donc, le principe de Frank-Starry a ses limites, c'est-à-dire la taille des sarcomères. Lorsqu'il dépasse un certain limite, donc il n'y a pas de plus de force de contraction. Et alors, au moment de la diastole, au moment de la systole, qu'est-ce qui se passe? Donc, le ventricule gauche, lorsqu'il éjecte le sang, une partie vers la haute et une partie vers l'oreillette gauche. Pour le ventricule gauche, la charge pour le ventricule gauche, c'est quoi? C'est la haute. Et là, donc, en quelque sorte, le ventricule gauche, il est à l'aise. Donc, les résistances pour lui sont faibles parce qu'il éjecte le sang dans deux directions, vers l'aorte et vers l'oreillette gauche. Donc, les résistances pour lui, elles sont faibles. Et c'est pour cette raison que l'insuffisance mitrale chronique reste longtemps asymptomatique. Parce qu'il y a une phase de Frank-Starry et deuxièmement parce que les baisses de résistance, donc les résistances, donc ils sont faibles. Donc il ne va pas mettre une résistance dans le ventricule gauche, il est en train de travailler. Mais si on ne corrige pas l'insuffisance mitrale à la longue, les principes de Frank-Starry vont être dépassés. À ce moment-là, il va y avoir une dilatation encore du ventricule gauche, donc baisse de la contractilité. Et lorsque le ventricule gauche va se dilater, qu'est-ce qui va entraîner une dilatation en plus de l'anneau mitral. À ce moment-là, on parle d'une insuffisance mitrale chez maladie auto-entretenue. À la longue, elle-même, elle va aggraver une insuffisance mitrale par dilatation de l'anneau lorsque le ventricule gauche se dilate encore. D'accord? Et par là, entraînant une insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque, donc au cours d'insuffisance mitrale, ça explique par deux choses. Une fois avoir des pressions en conséquence en amont, et dans les formes évoluées, lorsque le ventricule gauche va se dilater, donc qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Lorsque la pression télédiastolique du ventricule gauche augmente, Ich gehe dans le camp dans le rétrissement. Ventral, elle se transmet de façon rétrograde vers l'oreillette gauche, vers les veines pulmonaires et capillaires et entraînant une, le dernier but. Donc, c'est ça, donc, c'est pas comme dans le rétrissement ventral. Ils peuvent entraîner une insuffisance cardiaque par hypertension par capillaire. Par contre, dans l'insuffisance ventrale, il y a la part de l'oreillette gauche, le retentissement en avant, il y a également le retentissement en avant. C'est bon? Voilà, c'est ça la physiopathe de l'insuffisance mitrale. On passe maintenant à la clinique. La clinique, donc, bien sûr, les signes fonctionnels, c'est l'activité bien sûr de mettre certains, on peut avoir l'activité parmi on peut avoir l'activité de l'étude, on peut avoir l'activité, etc. On peut avoir une aspirine, tous les septembre. Voilà. Surtout, c'est la dyspnée, les palpitations, l'aspirine, etc. Voilà, ça se fonctionne comme signe physique, donc en comparant avec le rétrissement mitral, dans la palpation, dans le rétrissement mitral, on a parlé de frémissement cardiaque diastolique, là c'est un frémissement systolique, c'est pas un frémissement diastolique, c'est un frémissement au moment de la systole, c'est un frémissement systolique. Pour le frémissement, le souffle à peu près à quoi, vous comptez à combien? 3 à 4 sixièmes. Le frémissant, 3 à 4 sixièmes. Voilà. Donc, allez. Et l'auscultation, donc l'auscultation bien sûr au foyer mitral, on trouve un souffle systolique. En général, si on occupe toute la systole, on parle d'un souffle holosystolique. Donc, siège au foyer mitral et qui est réagi comme type angiopathe et réagi vers les selles gauches. Pardon, j'ai oublié dans la physiopathologie, dans le mode aigu. On a parlé de la physiopathologie, de la science mitrale chronique. Donc, je trouve que j'ai oublié l'essence mitrale aiguë. Dans l'essence mitrale aiguë, donc, il n'y a pas le temps que le l'oreillette gauche et le ventricule gauche s'adapte à cette volumie. Une fois il y a une rupture ou là, une essence mitrale aiguë, il y a uniquement les conséquences en avant. Il n'y a pas de conséquences en aval. Il n'y a pas le temps que le ventricule gauche va se dilater, etc. Conséquence uniquement en avant, une fois il y a le fuite, augmentation de la pression dans l'oreillette gauche et le dernier but du poumon cataplexique. Hein? D'accord. Il n'y a pas de temps. Donc c'est l'OAP. D'emblée, c'est l'OAP. Voilà. Et donc, quand même mortel, hein? Dans les sens ultra, il n'y a pas de conséquences en aval parce qu'il n'y a pas le temps de s'adapter. Et il n'y a pas le temps. Il ne laisse pas le temps pour l'application de principe de Frankenstein. C'est aigu. Voilà. Donc, on revient, pardon, la définition, enfin, donc, les signes fonctionnels, on a parlé de dyspnée, palpitation, douleur, en fait, dyspnée, palpitation, c'est tout. L'auscultation, on a parlé de frémissement systolique. L'auscultation, on a trouvé un souffle qui occupe toute la systole, donc foyer mitral, irradié vers les selles gauches. C'est ça l'auscultation simple. L'auscultation la plus facile, c'est l'auscultation de l'insuffisance mitrale. Voilà. On passe maintenant. Grâce à l'auscultation, comme on a vu dans le rétrissement mitral, en quelque sorte que les éléments de la sémiologie de sécurité du R1, c'est l'éclat du V1 et la chromatographie de la mitrale, c'est ça, c'est la sémiologie. Maintenant, au cours de l'insuffisance mitrale, grâce à l'auscultation, on peut dire que est-ce que l'insuffisance mitrale elle est importante ou non, sans passer par des examens complémentaires. C'est-à-dire, grâce à l'auscultation, on peut déterminer si on est dans l'insuffisance mitrale importante ou non. Quels sont les éléments auscultatoires en faveur d'une insuffisance mitrale importante? Tout d'abord, lorsque le souffle devient intense. Deuxièmement, s'il existe un bruit de galop. C'est pour le galop gauche. Hein? C'est pour le galop comme le galop de cheval. Un rythme à trois temps. C'est-à-dire qu'il y a trois bruits. B1, B2, B3. Rythme à trois temps comme le galop de cheval. Galop, pour le cheval galop mal. C'est le bruit de galop. Pourquoi il y a le bruit de galop? Et dans les sens mitrales importants, c'est-à-dire que le ventricule gauche commence avec la. Voilà, le principe de temps qui s'arrête, il commence à être dépassé à ce moment-là, il faut agir. Donc, c'est les sens mitrales, elle est importante. Des troubles de la compliance du ventricule gauche qui entraînent un bruit de galop. Voilà. Donc, de souffle intense, bruit de galop, l'éclat du B2 au foyer pulmonaire. Lorsqu'il est loin, l'éclat du B2 au foyer pulmonaire correspond à quoi? Et là, donc, la dépression mitrale a retenti sur la circulation pulmonaire, entraînant le HTAP. Et enfin, un quatrième élément, c'est un roulement mésodiastolique au foyer mitral d'hyperdébit sans qu'il y ait un rétrissement mitral associé. Comme on explique, on retrouve un roulement, mais en mésodiastole, sans qu'il y ait un rétrissement mitral associé, qu'on appelle le roulement d'hyperdébit. Comment on explique ça? tellement fulgurante, elle est importante. Je vous donne facilité l'explication à peu près. Donc, le souffle, c'est quoi le souffle en réalité? C'est un phénomène de turbulence. Il y a une turbulence pour créer le souffle. Voilà. Si je demande à toute l'amphi de sortir par cette porte en même temps. Ah, d'accord. Tellement le volume dans l'oreillette gauche, il est important pour traverser l'orifice mitral. Donc, il va créer le phénomène de turbulence pendant le roulement, en quelque sorte qu'il y a, c'est-à-dire un rétrécissement mitral pour un volume, c'est-à-dire le volume important pour un petit anneau. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une sténose mitrale, sans qu'il y ait une sténose mitrale, qu'on appelle un roulement d'hyperdébit, tellement l'importance de la diastole, donc le volume qui existe dans l'oreillette gauche, il est important. Et lorsqu'il traverse au moment de la diastole, le remplissage, il va créer ce roulement, entraînant un roulement d'hyperdébit sans qu'il y ait un rétrécissement mitral. C'est bon? Vous avez compris? Donc les éléments auscultatoires en faveur d'une IM importante sont 4. Intense, bruit de galop gauche, éclat de B2 foyer pulmonaire et le roulement d'hyperbite. C'est bon? C'est ça l'auscultation de l'insuffisance mitrale. Maintenant, on passe maintenant à l'ECG. L'ECG, comme dit qu'on a vu dans le rétrécissement mitral, traitant les organes touchés. Donc, en tenant compte de l'ECG, c'est. L'entrée, c'est l'oreillette gauche, donc elle est dilatée, à charger, et ventricule gauche. Parce que ventricule gauche est touché, c'est pas dans l'oreillette. Donc, il va prendre HVG. Quel type d'HVG? Vous êtes une surcharge capillaire? Non, non, on va continuer. Je ne peux pas donner. Vous avez le PD? Non. Vous avez le PD? Normalement, cette semaine. Pour parler d'HVG, il y a plusieurs indices. Donc, vous avez le TD par la suite faire des indices. Il y a l'indice de Cornell, il y a l'indice de Sokolov-Titor. Donc, c'est l'indice. C'est une sommation. Il y a plusieurs indices d'indice de Lewis, etc. Mais en général, il faut utiliser surtout l'indice de Cornell. L'indice de Lewis Sokolov-Lyons, c'est S en V1 plus R en V5 ou V6, supérieur à 36 ou 38 chez l'homme, au-delà de 38 chez la femme. Donc, on parle d'HVG, hypertrophie ventriculaire gauche. Pardon, en termes de sémiologie, d'hypertrophie, c'est pas synonyme à la première fois, il y a une hypertrophie. On a un électrocardiogramme. Un boulot HAG, hypertrophie de l'oreillette gauche, alors on dirait qu'il y a une dilatation. Mais ça termine sémiologique. En électrocardiogramme, on parle d'HVG, hypertrophie, alors il y a une dilatation. Ça dépend, il y a une hypertrophie de dilatation, mais le terme qu'on utilise pour le CG, c'est l'hypertrophie. Voilà, quelques-unes. Voilà. Donc il y a l'HVG. L'HVG, il y a plusieurs indices. Il y a le Sokolov-Lyons, l'indice de Cornell. Voilà, l'indice de Cornell, c'est surtout c'est le plus spécifique. C'est R en AVS plus S en V3. Super à 20 chez l'homme, super à 28 chez la femme. Voilà. Une fois déterminé l'HVG, de tous les sources articles, est-ce qu'on non, pas de va pas avec HVG. Oui. Quel type d'HVG? Quel type d'HVG dans le rétrécissement optique? Hein? Ah, non, c'est vrai. Je sais concentrer quelque chose. C'est quoi concentrer? C'est-à-dire qu'elle touche toute la paroi. Non, c'est pas assez qu'elle touche uniquement le septum. Elle peut toucher la paroi latérale, la paroi septale, la paroi. C'est concentré pour le VG. Se concentre, parce qu'il y a une seule résistance, donc effectivement, le VG il se passe hypertrophie de façon homogène. C'est pas donc dans l'hypertension artérielle, parmi les retentissements d'HT, on peut trouver une hypertrophie, mais qui est assez nécrue, qui n'est pas concentrée. Bref. Dans l'HVG, donc de type, donc dans le rétrécissement aortique, on a HVG de quel type d'HVG? Oui, Irlina, donc c'est avec HVG, on parle électrique, on ne parle pas d'HVG anatomique. Anatomique, c'est concentré, oui, je suis d'accord. Mais sur le plan ECG, quel type d'HVG? Systolique ou diastolique? Il faut dire ça. L'HVG, au moment de l'essence mitrale, la dilatation du volume en ECG, c'est l'HVG. Est-ce qu'on monte de la systole ou on monte de la diastole? Diastole. C'est l'HVG de type diastolique. Au cours de rétrécissement aortique, l'HVG, c'est chez ça l'hypertrophie au moment de l'asystole. Au moment de l'asystole, il y a un rétrécissement aortique. Donc, lorsque le ventricule gauche va éjecter le sang vers l'aorte, il trouve un rétrécissement aortique à la langue. Il va s'hypertrophier, il va se muscler pour essayer de vaincre. Donc, la post-charge, il va s'hypertrophier. Donc, tu l'as changé au moment de la systole. Par contre, dans l'insuffisance mitrale, on a la surcharge, elle s'est faite au moment de la diastole. Voilà. Donc, la surcharge est la CG de type diastolique. Dans le CG, donc maintenant dans le CG, donc c'est bon, le diagnostic d'HVG est posé. C'est l'indice de ce colloquia, l'indice de coronaire, l'indice de Lewis, c'est bien l'HVG, c'est bon. Mais pour faire la différence entre systolique et diastolique, c'est à l'ECG encore, pour déterminer quel type d'HVG. Il ne faut pas dire HVG, mais il faut déterminer quel type. Soit HVG de type systolique, soit HVG de type diastolique, soit HVG type mixte. Hein? D'accord. Donc, je passe. D'accord, allez. Donc, c'est donc l'HVG de type systolique et type diastolique. Dans l'HVG de type systolique, donc l'HVG, c'est bon, vous avez compris l'HVG. C'est les indices, il faut être sur les valeurs de l'HVG. C'est bon. Donc, pour déterminer systolique ou diastolique, là, il faut voir dérivation. V5-V6. La dérivation V5-V6 à l'ECG, c'est telle et c'est deux dérivations qui déterminent est-ce qu'on est dans l'HVG de type systolique ou on est dans l'HVG de type diastolique. Voilà. Dans l'HVG de type systolique, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans l'aspect, donc en V5-V6, vous trouvez, il y a pas l'onde Q qui précède le cardiaque R1 et vous avez l'onde T négatif. Type plus qu'il est, l'onde T négatif, l'onde T négatif. Donc, T inversé. T inversé, T négatif. En V5-V6, la dérivation V5-V6, vous trouvez l'aspect R. Vous avez vu dans le CG, normalement, le V1, l'onde R est petit, l'onde S elle est grande, c'est la zone de transition, l'inverse, où les grandes onde R, absence de l'onde R. D'accord. Donc, vous trouvez le grand R avec l'onde T, elle est qui suivie par l'onde T négative. Elle a l'HVG de type systolique. L'HVG de type diastolique, il y a l'onde Q fine qui précède le QRS, l'onde Q qui précède le QRS avec l'onde T positive. L'onde T positive. Donc, la l'onde T de l'HVG systolique, elle est négative. La diastolique, elle est positive. La différence entre laquelle est la plus de l'onde Q et la plus de l'onde Q. Alors, j'ai comme j'étais externe, il y a des astuces pour apprendre ça, à faire la différence entre systolique et diastolique, c'est surtout dans le rétrécissement aortique et l'insuffisance aortique. Le rétrécissement aortique, il donne l'HVG de type systolique, ou l'insuffisance aortique, elle donne HVG de type diastolique. Ça, là, on va nous dire ça. Dans l'insuffisance aortique, je reviens à la définition, on s'approche plus tôt. Donc, l'insuffisance aortique, c'est le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. C'est ça la définition. Là, pour moi, lorsque le sang qui passe de l'aorte vers le ventricule gauche, il va créer un trou dans le ventricule gauche. Le trou là, pour moi, c'est l'onde Q en V5-V6. Donc, l'insuffisance aortique, c'est diastolique. Donc, j'ai retenu que l'onde Q, toujours, elle est bien V5-V6. Tout va te faire de désastre. Maintenant, il y a une explication. Je peux donner une explication à l'onde Q. Non, pour vous, il faut retenir ça. Lorsque le sang passe de l'aorte vers le ventricule gauche au niveau de la pompe de vie, tu vas créer un trou. Le trou pour moi, c'est l'onde Q qui est en V5-V6, donc diastolique. Mais c'est bon. Donc, on a terminé le. On va avoir un trouble du rythme lorsque l'oreillette gauche va se dilater, parce que les troubles du rythme à l'étage auriculaire, on peut avoir une arrivée assez attente, d'accord, c'est ça, le CG. En maintenant, la radiographie du thorax. La radio, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les organes touchés? Toujours, l'oreillette gauche, ventricule gauche. Donc, c'est comme dans le rétrécissement mitral. Dans le rétrécissement mitral, vous n'avez qu'à la pointe, elle est susdiaphragmatique, avec un index cardiothoracique, ça peut être normal. Quand l'oreillette gauche dilatée, vous êtes l'index cardiothoracique. Mais dans l'insuffisance mitrale, la pointe, elle est sous-diaphragme. Quelle est la différence? C'est la même chose, mais la pointe, enfin, elle est sus, elle est diaphragmatique ou la sous. Très bien. Voilà. C'est bon. Maintenant, donc on a terminé par le CG, on a terminé par la radiographie du thorax. Maintenant, les conclusions. démographie transforme. Oui. Oui. Pas donné de produits. Maintenant, on ne fait pas des produits. Ça ne rien depuis la révolution. L'échographie, bien sûr, c'est l'examen anodin, facile, répétitif, qui permet le diagnostic positif, c'est-à-dire il va confirmer la fuite. Donc, le retentissement sur l'oreillette gauche, sur le ventricule gauche, il peut déterminer le mécanisme des sources mitrales, est-ce que c'est la dilatation de l'anneau, comment sont les valves, comment sont les cordages, comment sont les piliers, hein, d'accord. Et il permet d'apprécier, quantifier l'insuffisance mitrale. Il y a plusieurs techniques pour l'échographie qui sont développées en matière d'insuffisance mitrale. Donc, je donne une seule technique pour expliquer l'insuffisance mitrale. C'est quoi? C'est le reflux. Là, je vous en donne la couleur. Le reflux du sang. En général, tout ce qui est proche de la sangle, c'est rouge. Et ce qui lui de la sangle complète, c'est bleu. Lorsqu'on fait l'insuffisance mitrale, et tout ce qui est filament de tuberculose, c'est donc mosaïque. Il n'y a pas de bleu, donc il n'y a pas de rouge. C'est mosaïque, c'est-à-dire multicolore. Voilà. On retrouve derrière la valve mitrale, c'est comme ça. Si on fait une coupe 4 cavités, voilà, on a des coupes 4 cavités. C'est ça le ventricule gauche, c'est ça le ventricule droit, on a l'oreillette gauche, on a l'oreillette droite, on a les valves, d'accord. On a le septum interventriculaire. Voilà. C'est quoi? Qui de le doppler et le couleur? Normalement, le sang qui passe comme ça. Il y a un petit reflux du sang comme ça, en mosaïque ici. D'accord? En mosaïque, on trouve la fuite. Normalement, il n'y a pas d'aspect avec. Tout, au moment de l'assistant, qui regarde l'aspect. Donc, l'assistant, il passe dans l'arbre. Alors, il y a une partie du sang en mosaïque qui passe derrière l'oreillette gauche, derrière les vagues. Ça dépend de l'importance de régurgitation. Si la fuite est importante, on peut avoir le flux mosaïque qui peut arriver jusqu'à ici. Ça dépend de l'importance de la fuite, grade 1 ou grade 2 ou grade 3. Ça dépend de l'importance de la régurgitation. Voilà, c'est ça pour apprécier, enfin, pour faciliter la compréhension. Mais il y a d'autres méthodes encore plus approfondies pour expliquer, donc pour quantifier la fuite mitrale. Voilà. Bien sûr, il y a l'échographie transœsophagienne comme dans l'échographie transthoracique. Vous n'allez pas pour transœsophagienne, pas pour faire le diagnostic, mais dans ce cas-là, l'échographie transœsophagienne, elle est surtout. Elle est intéressée pour visualiser les valves et l'appareil supraculaire surtout. Et l'auricule, certes, mais pour le mécanisme, c'est ça. Tu prends en détail la grande valve mitrale, tu prends en détail la petite valve mitrale, et également les cordages et les piliers. Et à ce moment-là, on classe l'insuffisance mitrale, est-ce que le type 1 ou le type 2 ou le type 3. D'accord. Donc c'est ça l'échographie transthoracique et l'échographie transœsophagienne. Auparavant, les étudiants prennent une qualité de profil, etc. Auparavant, ils utilisent le cavitérisme cardiaque pour faire le diagnostic d'insuffisance mitrale. Avant l'avènement de l'échographie, comment ils font? Ils piquent toujours l'artère fémorale, là. Ils montent la sonde, ils arrivent jusqu'au ventricule gauche. Lorsqu'ils arrivent au ventricule gauche, cette sonde, elle se termine en queue de cochon. Elle est trouée, cette sonde, elle est trouvée. Et injecter le produit de pancréas dans le ventricule gauche, je prends même la systole. Est-ce que le degré d'opacification de l'oreillette gauche, est-ce que l'oreillette elle est opacifiée en moitié, en totalité ou en minime? Si elle est minime, c'est l'insuffisance mitrale grade 1. Si en moitié, c'est l'insuffisance mitrale grade 2. Si toute l'oreillette gauche elle est opacifiée par le produit de contraste, donc c'est l'insuffisance mitrale grade 1. Mais on l'utilise. Donc, la cavité, c'est surtout c'est la coronarographie, dans le cadre d'un bilan préopératoire. Ce n'est pas pour faire le diagnostic, mais pour faire un bilan préopératoire. C'est-à-dire, si un patient candidat à une chirurgie cardiaque, il faut voir les coronaires aussi, surtout si les patients présentent des facteurs de risque d'intervention. C'est-à-dire, si on prend l'intervention mitrale, risque de passer à côté d'une pathologie coronaire sous-jacente, parce que le chirurgien il va faire une circulation extracorporelle. S'il y a une lésion coronaire, il va entraîner un infarctus inaperçu. À ce moment-là, il faut faire une coronarographie comme un bilan préopératoire, mais ce n'est pas pour le diagnostic. Voilà. Donc, on passe maintenant à une forme clinique particulière, c'est la maladie de Barlow. Maladie de Barlow, donc, sous dégénérescence donc mixoïde des valves, qui devient, des valves qui deviennent épaisses, redondantes, avec mouvement valvulaire exagéré, s'observe surtout chez la femme. Voilà, c'est très grave. Ce constat-là, pourquoi chez la femme, c'est une question un peu difficile, mais ce constat-là, je ne sais pas vraiment, mais ça a été rappelé beaucoup plus chez la femme. Donc, voilà, entraînant sur le plan clinique, c'est fonctionnel, la supportivité de douleur thoracique, c'est l'anxiété, douleur thoracique, anxiété, c'est palpitation et dyspnée. Et à l'auscultation, on ne retrouve pas un souffle, mais un clique. Un clic systolique, voilà. C'est l'existence d'un souffle au cours de maladie de Barlow, témoignant de l'aggravation. C'est important. Donc, surtout des palpitations, l'anxiété, donc douleur thoracique et la dyspnée. L'auscultation, c'est une forme clinique d'un sacité. Un clic télésystolique, en fait, là, c'est ça. C'est un clic télésystolique. Voilà. Et maintenant, les complications de l'insuffisance mitrale, c'est comme dans le rétrécissement mitral, mais la règle est une exception, les complications d'endocardite infectieuse. Dans le rétrécissement mitral, il n'y a pas de d'endocardite infectieuse sans complication. Dans l'insuffisance mitrale, il y a complications en plus de rétrécissement mitral, les complications qu'on a citées, il y a en plus d'ailleurs le risque d'endocardite infectieuse. Voilà. Le traitement de l'insuffisance mitrale, bien sûr, le traitement de l'insuffisance mitrale, donc il y a le traitement symptomatique, ça ne sert à rien, si c'est le traitement à passer uniquement, passer le cap. Ce traitement symptomatique dans le but de diminuer le retour veineux, etc. Il faut donner un régime hyposodé, des diurétiques, des inhibiteurs calciques, des IEC, etc. Mais un traitement purement symptomatique. Donc, le traitement chirurgical. Par contre, dans l'insuffisance mitrale, actuellement, il y a un traitement interventionnel qui n'est pas encore appliqué, pas encore, il est en cours d'essai. Mais il y a, pour le moment, c'est le traitement chirurgical. Donc, ce n'est pas comme dans le rétrécissement mitral, il y a le traitement interventionnel qu'on est en train de faire. Maintenant, pour l'insuffisance mitrale, il y a le traitement, il faut comprendre, il y a le traitement chirurgical. J'ai dit dans le rétrécissement mitral, il faut toujours être conservateur. Il faut conserver l'appareil valvulaire et supravulaire du patient. Le traitement conservateur en matière d'insuffisance mitrale, qu'on appelle, c'est la plastie mitrale. La plastie mitrale, c'est-à-dire le chirurgien va reconfectionner les valves. S'il y a rupture de cordage, il va faire une fermeture. Il va faire une suture, et il va reconfectionner, ben c'est tout. Il ne va pas enlever. Voilà. C'est ça qu'on appelle la plastie mitrale. Par contre, dans les étiologies rhumatismales, si l'appareil valvulaire est trop remanié et calcifié, dans ce cas-là, il faut faire un remplacement valvulaire, soit par prothèse physiologique, soit prothèse mécanique. On a dit donc les MPVE, les avantages et les indications. Maintenant, comme on l'a vu dans le rétrécissement mitral, les indications. Donc, au cours des sciences mitrales. Les sciences mitrales, toujours importantes, simples, importantes. Donc, la question qui se pose actuellement, est-ce que l'insuffisance mitrale elle est symptomatique ou assez haut ou c'est symptomatique? Si l'insuffisance mitrale elle est symptomatique, elle est importante grâce à l'échographie, grâce à l'ECG, donc grâce à l'auscultation, on a confirmé par l'écho sur l'insuffisance mitrale importante, c'est le stade fonctionnel stade 3 ou la stade 4 de la NYHH, à ce moment-là, il faut opérer, mais il faut être conservateur, c'est la plastie mitrale. Le problème qui se pose, c'est toujours dans l'insuffisance mitrale, toujours important, mais qui est asymptomatique ou aussi symptomatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, donc, on va opérer donc, dans cette situation-ci. Premièrement, si la fraction d'éjection, normalement la fraction d'éjection normale, c'est au-delà de 60%. Si la fraction d'éjection dépasse moins de 60%, on l'opère. Normalement, moins de 60%, presque 50-58, on l'opère. Parce que dans l'insuffisance mitrale, on a dit de la physiopathologie, elle reste encore asymptomatique. Parce que le ventricule gauche, il tolère bien l'insuffisance mitrale. Mais le passage juste Parce que, pourquoi? Parce que le débit cardiaque est augmenté dans le sens mitral. Ce n'est pas le débit réel, il y a le débit régurgitant en quelque sorte. Voilà, je suis caché. Voilà, il y a le volume intégral des étuis, c'est le volume régurgité. Ce n'est pas le volume réel, le débit cardiaque est augmenté. À ce moment, une fois qu'il a la fraction d'éjection du ventre gauche, elle commence à s'abaisser. À ce moment-là, il faut s'inquiéter, il faut opérer. Voilà. Lorsque le diamètre télésystolique du ventricule gauche dépasse 45 mm de mercure, lorsqu'il y a un passage en fibrillation auriculaire et lorsqu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire supérieure à 50 mm de mercure, à ce moment-là, au repos, à ce moment-là, s'il y a un des quatre filets, il faut les quatre, hein, un des deux, il faut faire la plastie mitrale. S'il n'y a pas de ça, il faut faire surveillance, contrôle, clinique, échographique. S'il y a une virage asymptomatique, on non. C'est bon? Voilà. Vous avez le coup? Oui. Le traitement chirurgical Cayenne. Je crois que c'est